grandeur de Dieu encore ce matin. Nous voulons dire qu'il est le sauveur de nos âmes par ce chant humain. Jésus va te sauver ce matin. Levez-vous, s'il vous plaît. Fermez les yeux ce matin. Jésus va te sauver. Prie ce matin. Ferme les yeux, priez. Seigneur, merci ce matin. Nous venons devant ton trône. Nos cœurs sont préparés, Seigneur, pour recevoir. Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Seigneur, je prie pour moi-même. Que personne ne m'entende, mais entende ta voix. au nom de Jésus. Seigneur, merci. Seigneur, accomplis un dessein ce matin au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Jésus sauve. Alléluia. De la croix, il nous a sauvés. Alléluia. Et donc, ce matin, nous allons apprendre notre verset. Vous avez oublié. Est-ce que quelqu'un peut me donner, réciter tous les versets qu'on a déjà appris? C'est combien déjà? 4 déjà. Donc, quelqu'un qui peut me donner, c'est, le premier c'est quoi? Matthieu 5, ça dit quoi? Et deuxième verset, Matthieu 6, 33. Par la suite. Alléluia. Et puis encore, Matthieu 10, 16. OK. Au milieu de l'eau. Soyez sobre comme les serpents. Brunel, fais attention. Soyez sages comme les serpents. Et quoi? Pardon? Prudents comme les serpents. Alléluia. Puis encore Matthieu 16, verset 26, dit quoi? Et s'il vous plaît, s'il vous plaît. Matthieu 16, verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, perdre son âme? Et que donnerait-il un homme en échange? Alléluia. Et aujourd'hui, on a Matthieu quoi? Matthieu 18, verset 18 et 19. Ici, il y a deux versets. OK? Wow. Matthieu 18, versets 18 et 19. Je vous le dis en vérité, on lit ensemble, ouvrez vos Bibles, on lit ensemble et puis on apprend ensemble. Wow, le temps est déjà parti. OK? On doit essayer de planifier la semaine prochaine, sinon je ne vais pas prêcher. OK, Matthieu 18, versets 18 et 19. On lit ensemble. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous liez sur, lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par Père qui est dans les cieux. Alléluia. OK, donc on va mémoriser. Alléluia. La première partie de verset 18 dit quoi? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. OK, on peut apprendre tout ensemble, non? OK, Matthieu 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu. OK, on répond encore. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. OK, verset 19. C'est bon, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc cela veut dire que lorsque tu dis je lis ou bien je lis ce démon, c'est lié dans l'esprit. Alléluia. Parce que tu ne vois pas le démon. Alléluia. C'est bon? Yeah. Et deuxième partie, c'est demander. OK? Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow. Je vous dis encore que, on reprend 1-2, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera donnée. Qui est dans les cieux? Ok, on reprend s'il vous plaît. Le 19, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. On reprend une fois encore. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut dire les deux? On peut dire les deux. Ou bien on répond encore. Ok, verset 19 encore. Je vous dis encore. Vous demandez une chose quelconque. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ok, donc on va faire les deux. On regarde et après on ferme. Ok? Les deux. Matthieu 18, verset 18 et 19. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 18, 19. On reprend. Matthieu 18, verset 18-19. Je vous dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 18-19. On ferme la Bible maintenant. Oh là là. Matthieu 18, versets 18 et 19. Je vous dis en vérité, j'ai en train de vous moquer de moi. Ok. Matthieu 18, versets 18 et 19. À 19, ok. Dis vérité. Vous, ce que vous sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis encore, si deux d'entre vous vous demandez une, Matthieu 18, verset 18 et 19. On reprend, s'il vous plaît, fermez les Bibles. Parce qu'il y a deux versets ici. OK? Matthieu 18, versets 18 et 19. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent pour demander chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 18 à 19. Ok, encore, une fois encore, les billes fermées. Et bien, je vais regarder les lèvres. La bouche, ok. Ok, Matthieu 18, verset 18 à 19. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 18 à 19. Acclame pour toi-même. Wow, est-ce que vous êtes bénis? Wow. Alléluia. Donc, vous allez voir que l'année, vous aurez 52 versets ou bien plus, parce que parfois c'est deux versets, comme aujourd'hui. Dans 53, ça, on peut avoir encore d'autres versets. Donc c'est 5 aujourd'hui, mais on a 6 versets, ou bien 5, mais on a 6 versets pour janvier. Alléluia. Amen. Wow. Ce matin, on va continuer. Hein? Peut-être c'est le dernier pour le moment. Message sur les démons. Alléluia. Les démons travaillent en équipe. Alléluia. En groupe. Par groupe. Et en équipe par équipe. Alléluia. Les démons travaillent en groupe et par équipe. Et la semaine passée, on a parlé de deux groupes. Alléluia. Groupe et quel groupe? L'équipe d'écriture de mariage et l'équipe sexuelle. Alléluia. L'équipe sexuelle. Est-ce que vous comprenez? Yeah, l'équipe sexuelle. L'équipe sexuelle. Amen. Vous êtes là? Yeah, l'équipe sexuelle. L'équipe sexuelle peut opérer dans la vie de quelqu'un seul ou bien dans la vie de deux personnes. C'est ça, non? Vous comprenez ça? Yeah, parce que toi seul, tu peux commencer à masturber. Yeah, c'est ça. Tu peux commencer à masturber. Et vous deux, vous allez commencer à faire des choses. Alléluia. Yeah. Donc, lorsqu'une jeune personne est profondément impliquée dans les relations sexuelles à partenaires multiples, des ordres de démons souvent envahissent cette personne. Le livre d'Apocalypse déclare que Babylone est devenue l'habitation des démons à cause de la multitude de ses fornications. Oh là là. Wow. Est-ce que vous comprenez? Apocalypse 18, verset 2, 3. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, ok, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Un repère, ça veut dire quoi? Là où ils font quoi? Ils se cachent là-bas, un rassemblement. Le groupe, le lieu d'association, le quartier général. Yeah. Un point de repère. Ok, donc tu dis, ok, tu vas me rencontrer, donne-moi un point de repère, c'est ce qu'on dit, non bien. Yeah. Esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Yeah, luxe. Luxe. Lorsque tu vois quelqu'un qui est trop luxueux là, de luxe, les filles qui sont luxe, luxe, qui brillent trop là. Yeah. Luxe. Et c'est ça qui attire les hommes. Moi je suis belle, moi je suis belle. Non, ce sont les démons qui attirent les hommes. C'est pas, ce sont les démons en toi qui attirent les gens. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui t'attire d'une manière extraordinaire, il faut faire attention. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas. C'est pourquoi tu vas voir les prostituées. Pourquoi ils vont même beaucoup de maquillage, tout cela. Ah, c'est ça, luxe. C'est pour briller, c'est pour attirer. Donc, c'est les démons. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et lorsque tu vois quelqu'un, une jeune fille qui est concernée par son apparence physique, chaque fois maquillée, chaque fois dans les démons. Est-ce que vous comprenez? Yeah, c'est pourquoi dans Pierre, c'est pourquoi les gens critiquent les filles là. On dit que non, il y a même les gens qui ne portent pas de bijoux, qui ne font pas les cheveux, qui ne font pas quoi encore? Qui ne font pas de maquillage à cause de ce verset dans Pierre. Qui dit quoi? Vous connaissez ce verset? Il y a de l'or et de bijoux, c'est à cause de ça. Pas seulement, la Bible dit que pas seulement, mais de la beauté intérieure. Est-ce que tu as lu un verset? Si ce n'est pas ce verset qu'on a mémorisé ce matin, tu n'as pas lu un verset aujourd'hui. Même toute la semaine, tu n'as pas lu. Mais tu as pris, il y a le miroir qui est à côté, et tu regardes encore toi. Tu regardes les yeux. Tu regardes les yeux. Tu viens à l'église, tu ne veux pas danser à cause de maquillage. Quoi va couler? Le fond de ta. Yeah. Je vous dis la vérité. Oh. Tu ne dois, on ne dit pas que les femmes ne doivent pas être belles. Moi, ma femme est belle. Et parfois, je la demande, fais ça. Yeah? Pour moi. Yeah. C'est pour moi, c'est pas pour toi. Mais tu dois avoir la beauté intérieure. C'est ça qui est important. Yeah. Même il y a un livre sur la beauté. Vous savez qu'il y a un livre. L'évêque a écrit un livre sur la beauté. Toutes les filles doivent acheter ce livre pour t'aider. Yeah. La Bible dit que la beauté est vaine. Mais cela veut dire que la beauté n'est pas importante. La beauté est importante ou bien? Yeah. La Bible dit que la beauté est vaine. Mais la beauté est importante. Ou bien? Ou bien? Donc, ou bien les hommes? Ou bien les hommes? Yeah. C'est pourquoi vous regardez les filles là, à cause de la beauté. Yeah. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui tout tape, c'est l'apparence là. Allez. Il y a un point d'interrogation quelque part. Alléluia. Donc il ne faut plus forniquer, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le message. Le message est que ne fornique pas. Sinon, il y a une équipe de démons qui vont t'habiter et tu deviendras un repère. Leur repère. Lorsqu'il dit, oh, ah, où est le démon? Oh, non, ok, il se trouve avec la personne. Ok, je vais là-bas. Parce que c'est là où ils se rencontrent. C'est dans ta vie qu'ils se rencontrent. Donc, certains de chercher leurs amis, ils vont te chercher. C'est un repère, c'est ça, non? Hein? Ne forniquez plus, s'il vous plaît. Ne forniquez plus. Et la fois passée, je vous ai donné un moyen pour ne pas forniquer. C'est quoi? Un moyen, c'est quoi? Vous avez oublié. Si tu n'es pas prête pour un mariage, ne commence pas une relation. Aussi simple que ça. Parce que lorsque tu n'es pas prêt pour un mariage et tu commences une relation, qu'est-ce que tu perds? Parce que tu n'es pas marié, certaines choses que vous n'avez pas dit, la chose que vous allez penser, c'est forniquer. Vous me regardez, c'est ça. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Et ceux qui sont dans une relation qui amène à un mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas ensemble, c'est tout. On ne doit pas vous voir ensemble dans la chambre. Vous allez forniquer. Et ça aussi, ça fait pas ça, amener des démons. Tout à l'heure, vous avez chanté. Le Jésus est le centre de ma vie. Mais est-ce que Jésus est dans la relation qui amène au mariage là? C'est ça. Jésus doit être dans la relation qui amène au mariage. Donc si Jésus est au centre, ça veut dire que il ne faut pas toucher le chien, le saint. Et voyez, comme on a dit, les démons nous trompent toujours. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh non, mais c'est ça là, c'est pour le mariage, non? Quand même, à la fin, on va se marier, non? On sera ensemble, non? Vous voyez? Et toi, tu prends... Pasteur, tu sais... Bon, non, on va se marier quand même, amen. En fin de journée, on va se marier. C'est ça la tromperie du diable. Il va changer la parole de Dieu. Et toi-même, tu vas croire en ça et puis tu continues à faire ça. Yeah. Yeah. Mais fais ça, tu vas voir. fait ça, tu vas voir. Infidélité a commencé. On ne croit plus en la personne. Des querelles ici, là-bas. Et l'homme là, il a déjà touché. Il n'a rien à découvrir. C'est fini. On est là, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok, on va se passer dans quelques. On va se. Ok, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il y a un homme. Il y a un homme qui était marié. D'accord? Il est marié. Et puis, un jour, sa femme l'avait. Sa femme était enceinte. Et puis, il avait ces trucs-là. Et puis, il a une carte d'invitation pour le mariage de son mari. Dans la poche de mari. Vous avez compris ce que je dis? Toi, femme, tu es mariée. Tu es en train de laver l'habit de ton mari. Et puis, tu as vu une carte d'invitation au mariage de ton mari. Parce que lorsqu'avant le mariage, tu as appris au mari de forniquer. Yeah. Avant le mariage. Parce que tu as dit que le mariage a abouti au mariage. Cette relation a abouti au mariage. Donc, on va faire ça avant. Donc, tu l'as appris. C'est ce qui se passe. Tu apprends à ton partenaire que tu vas, à qui tu vas te marier. De forniquer hors du mariage. Parce que tu as forniqué hors du mariage. Donc il va quitter le mariage pour aller forniquer. Vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc ne laisse pas le diable te tromper. Parce que ça crée beaucoup de choses arrivent. Et puis on ne comprend, on ne connaît pas la source. Mais la source, c'est nous. Qui a ouvert la porte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Quelqu'un n'a pas compris, c'est pourquoi je reprends. Parce que j'ai dit ça la semaine passée. Le diable te tombe. Le diable te tombe. Le Saint-Esprit va arrête, arrête. Le diable va dire non, continue ce que tu es en train d'arrêter. Yeah. Vous comprenez, non? Yeah. Lorsque tu commences à toucher le Saint, le Saint-Esprit dit arrête, arrête. Une voix dit arrête. Arrête, arrête, parce que c'est pas toujours, c'est pas fort. La plupart du temps, c'est pas fort. Parce qu'on n'a pas appris à écouter la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit est très basse chaque fois. C'est pas trop forte. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais parce que vous avez toujours répondu au diable et aux démons, leur voix est toujours forte. Donc lorsque tu veux toucher, le Saint-Esprit, arrête, arrête, arrête. Donc tu vas te sentir. Mais le démon va dire quoi? Continue ce que tu es en train d'arrêter. Continue ce que tu, parce que c'est bon. Continue ce que tu es en train d'arrêter. Yeah. Certains d'entre nous, on est habitué à la voix du diable. Yeah. Il faut commencer à développer la voix du Saint-Esprit. Comment écouter la voix du Saint-Esprit? La voix du Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Yeah. Toujours, toujours, toujours. Toujours. La voix du Saint-Esprit ne va pas te dire, ok, la relation là, c'est pour le mariage, donc on va forniquer. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le diable nous trompe toujours. N'oublie pas Jean chapitre 8, verset 31-32. N'oublie pas. Jean chapitre 8, verset 31-32. Ceux qui étaient en retard, on a prié avec ce verset. Yeah? N'oublie pas. C'est la vérité qui nous délivre, la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité. Mais le diable utilise toujours, depuis le jardin d'Éden, il a utilisé toujours la tromperie. Toujours. Et il a même ouvert, il ouvre même, à Jésus même, ouvert la parole de Dieu. Il a ouvert la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas Jésus. Même Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous aimez la parole? La manière dont vous me regardez là. C'est passé. Sexuel. Équipe sexuelle. Parce que c'est là nos problèmes. Équipe destructive du mariage. Équipe de divorce. Les esprits de tromperie et de divorce agissent ensemble. La plupart des gens qui divorcent se trompent en pensant qu'il existe quelqu'un de mieux que leur conjoint dehors. Il s'agit de la tromperie la plus répandue dans le cœur de beaucoup de nombreux couples. Ok? C'est la raison pour laquelle un grand pourcentage de personnes qui divorcent finissent par se marier, remarier la même personne. Yeah. Tu es dans une relation. Ok, ça c'est marié à divorce. Ok, on veut aussi même relation. Tu es dans la relation avec cette jeune fille très belle. Et puis tu vas voir qu'il y a d'autres filles qui sont en train de se balader autour. Parce que le jour là, tu as dit quelque chose et puis elle n'a pas aimé. Et puis tu vois l'autre personne, tu dis tout, elle est ok, oh, frère. Elle est gentille, elle est plus gentille que. Yeah. Donc tu penses qu'elle est meilleure que. Yeah. L'autre, non. L'autre, le tien, bien la tienne. Ah, c'est ce que le diable fait. Et dans le mariage, c'est la même chose. Yeah. Le mariage. Chaque jour, vous n'allez pas vous entendre sur quelque chose. Yeah. Parce que tu es homme, elle est femme. La manière de penser, c'est différent. Déjà, le fait que vous êtes un homme et femme, là, la manière de penser est différente déjà. Donc, cela veut dire que vous n'allez pas vous comprendre, avoir un accord sur beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, tu viens d'une famille différente, elle vient d'une famille différente. Troisième chose, tu viens du charge, elle vient du Gabon. Yeah. Yeah. Yeah. Troisièmement, elle est d'une famille avec papa et maman et l'autre est d'une famille, c'est papa seulement. Donc, voyez les différences. Donc, ces différences juste sur vos décisions, vos actions, la manière de voir les choses. Vous comprenez? Donc, chaque jour, il y aura mésentente, toujours. Yeah. Mais comment est-ce que... C'est pourquoi vous avez besoin de la sagesse. La Bible dit dans Pierre, de connaître ta femme. Il dit à l'homme de connaître et comprendre ta femme. Yeah. Hey, c'est comme le temps est passé. Yeah. Lorsque tu amènes ça là, je dis chaque fois, lorsque tu amènes ça, devant l'homme et la femme, pour la femme, tu amènes de cette là avec des différentes couleurs. Pour la femme, elle est en train de voir la beauté. Ok, c'est beau. Ok, avec comment on dit, la couleur jaune et avec les couleurs. Ok, c'est beau. L'homme est en train de parler. Ça, c'est combien? Ça, c'est combien? Yeah. Yeah. Moi, ça arrive chaque fois dans mon mariage. Oh, c'est beau. On dit, oh, ça là, c'est combien? D'abord. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de différences. Donc, lorsque tu es dans le mariage ou dans une relation, et puis il y a des mésententes, des querelles, on ne s'entend pas, ce sont des différences là. C'est à toi d'avoir la sagesse, savoir comment gérer ces différences. Yeah. Comment gérer? Comment gérer? Yeah. Comment gérer? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Si tu ne comprends pas, ces démons là vont agir. Démons qui vont te tromper que oh, y a une meilleure personne quelque part. Oh, l'autre fille là est plus gentille. Oh, le gars là, il est plus gentle. Et la manière dont il parle. Moi, mon mari, il parle n'importe comment. Mais l'autre, il parle. Oh, bébé. Hi, bébé. Comment ça? Le hi, bébé, là, sont les démons qui sortent. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? J'ai fini, s'il vous plaît, levez-vous. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé. La semaine prochaine, on va essayer de gérer le temps. Levez-vous, s'il vous plaît. Les anglophones nous attendent. Mais vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Le diable ne va plus vous tromper. Yeah. Moi, je dis que chaque fois, toute personne peut se marier, tout homme peut se marier à toute femme. Le monde dit compatibilité. Ça, sont des bêtises. Yeah. Moi, je dis que tout homme peut se marier à toute femme. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez comprendre un jour. C'est scellé, c'est ça. C'est scellé. Il y a la vérité qui est cachée. Est-ce que vous comprenez? Yeah, là, c'était la semaine passée. Hier, j'ai entendu l'évêque dire quoi? L'évêque dit que tu peux changer la direction de ton amour. Oh, j'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Un jour, elle dit je t'aime. Ok, j'apprends mon amour à l'autre personne. Ou bien, parce que les gens disent je ne peux pas vivre sans toi. C'est pas vrai. Vous avez dit ça, non? Beaucoup d'entre vous avez dit ça. Je ne peux vivre sans toi. Sans toi, je peux vivre. C'est vrai ou bien c'est faux? Les gens disent ça, non? Vous avez dit ça. C'est pas vrai. S'il n'est pas là, il t'a laissé. Il est parti pour une autre vie. Ne t'en faites pas. Tu vas vivre longtemps. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Il y a la vérité. Oh. Si vous connaissez la vérité, vous êtes libre. Comme l'exemple que je vous donne entre un homme et une femme. Si vous connaissez cette vérité, il y a une différence qui fait qu'il y a des mésententes et puis on ne se comprend pas. Si tu connais ça, tu vas voir que tu vas déjà commencer à penser comment est-ce que je peux gérer ça là. Parce qu'avec toute fille, il y a les mêmes différences. Avec toute personne, les mêmes différences. Bien. Même famille, les jumeaux jumelles, il y a des différences. Ou bien. Et puis tu te maries à quelqu'un, une femme là, qui est d'une famille, il allait dans une autre école, tu es allé une autre école, tu as peut-être que tu as trois masters, et puis elle a seulement licence. Ça, c'est une grande différence déjà. Tu as SMU et puis elle est à où? Elle est là à PMC. Ça, c'est une grande différence déjà. Ou bien, parce que ce que tu apprends à IPMC est différent de ce qu'elle a. Donc, la compréhension et la manière d'analyser les choses sont différentes. Tu fais une formation comptabilité et puis elle fait quoi? Elle fait quoi? What? Marketing. Il y a une grande différence déjà. Si vous connaissez cette vérité-là, la manière de gérer ta relation est différente. Déjà, tu vas commencer à penser, comment est-ce que je peux gérer cette différence-là? Donc, tu vas voir, déjà, la Bible dit, déjà, tu vas, il dit que ne te considère pas trop élevé que ton voisin. Donc, tu as trois masters et un seulement licence. Oh, Charlie, master. Lorsque tu amènes master dans le mariage, là, ça, c'est la fin du mariage. Yeah! La Bible va te montrer que Oh, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose. De tolérer. Tolérance. C'est ça, tolérance. Tu tolères. Si tu es quelqu'un qui ne tolère pas, qui ne pardonne pas, c'est la fin de la relation, fin de mariage. Total. Les démons vont entrer, c'est fini. Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Est-ce que vous avez vu? Les yeux sont ouverts maintenant. Yeah! Levez les mains, remerciez le Seigneur. Oh Seigneur, merci ce matin. Oh les bros seleba kalamambro selebe. Ike les bros seleba kalamambro seleba baba. Ante les bros selebe, kelebro. Ike les bros selebe, kelebro selebe bebe. Ike les bros selebe bebe. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole qui a franchi, Seigneur. Merci. Ce matin, nous chassons tout démon. Tout démon qui détruit les mariages. Démon de divorce. Démon sexuel. Seigneur, nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. On va faire certaines déclarations ce matin. Et je veux que tu fasses cette confession avec foi. Alléluia. Vous répétez après moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et faites la main comme ça. C'est bon? Ça veut dire que tu crois. Alléluia. Amen. Je suis libre des démons d'infériorité. Je suis libre. Je suis libre Bien, j'ai ma liberté. Au nom de Jésus. Je suis délivré du contrôle des démons, de jalousie, d'envie, de dépression. Au nom de Jésus, je chasse le démon de dépression. C'est ça qui cause quoi? Les suicides. Alléluia. La puissance de la sorcellerie est brisée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la convoitise est brisée. Je suis libre de la puissance de la convoitise. Au nom de Jésus. Les démons des découragements sont liés sur la terre. Prends la main de ton voisin. Vous vous rappelez du verset? Ce que nous lions sur la terre est lié où? Vous avez compris, non? Je lis. Ou bien je m'accorde avec mon voisin. Et je lis le démon de découragement au nom de Jésus sur la terre. Et la Bible me dit, lorsque je lis sur la terre, c'est lié au ciel. Au nom de Jésus, je lis, je m'accorde avec mon voisin. Et je lis le démon de fornication. Au nom de Jésus. Et c'est lié au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Je lis le démon d'amertume. Je lis le démon de haine. Je lis le démon de tromperie. Je lis les intimidations sataniques de mon village. Au nom de Jésus, je m'accorde avec mon voisin et je lis les sorciers et les sorcières de mon village, d'Accra, de mon pays, au nom de Jésus, de ma famille. Je m'accorde avec mon voisin et je lis les sorcières, les démons de ma famille. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je suis libre. À partir d'aujourd'hui, le pouvoir de Satan n'aura plus effet sur ma vie. Au nom de Jésus, ma famille est libre. Est-ce que tu peux acclamer pour ces cris de joie? Alléluia. Fermez les yeux avant de s'asseoir. Tu es ici. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas pris une décision pour servir le Seigneur, pour lui donner ta vie. Tu n'es pas né de nouveau. Toi-même, tu sais. Peut-être que quelqu'un t'a invité. Bien, tu es déjà là depuis. Mais tu n'as pas vraiment pris une décision pour donner ta vie à Dieu. C'est ta première liberté. Sinon, c'est un démon qui te lie. Ce matin, tu veux te libérer de ce démon. Et tu veux te donner à Dieu. Le démon, là, te trompe. Dit que, attends, non, ce n'est pas le temps. Aujourd'hui, c'est la Bible que aujourd'hui c'est le temps. C'est Satan qui dit que non, ce n'est pas le temps. Ce matin, tu veux lever la main et dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Si tu es là, les yeux fermés, tout le monde, s'il vous plaît. Tout le monde. Tu sais que tu n'es pas né. Viens. Lève la main et viens. Lève la main, viens. Viens vers moi. Ma soeur vient. Ma soeur vient. Viens. Viens. Tu as levé la main, viens. Viens. Tu as levé la main. Viens. Tu n'as pas levé la main. Viens. Je ne veux pas venir. Viens. Qui aussi? Qui aussi a levé la main? Qui a levé la main? S'il vous plaît, les yeux fermés, les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés. Tout le monde, les yeux fermés. Tu es là, tu sais. Ne pense pas à ton voisin. Le salut, c'est personnel. Ce n'est pas la honte. C'est plutôt la joie. Si tu es là, les yeux fermés, si tu es là et tu veux donner ta vie à Dieu. Viens vers moi tout de suite. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Ouvre tes yeux, viens. Si tu veux, ce matin. Le Seigneur, je sais qu'il y a une personne ici. Il y a une personne. Il y a une personne. Tu te connais, tu sais. Viens. Viens. 5 secondes. Viens. Je t'attends. Je t'attends. Le Seigneur veut te sauver de l'enfer, c'est la vie et la mort. Mais ce matin, il veut te sauver. C'est ta première liberté. La vie que tu es esclave. Tu es esclave à l'ennemi. Tu es esclave à Satan. Mais lorsque tu choisis Dieu, tu es esclave, tu es serviteur de Dieu. Et tu le sers dans la liberté. Mais avec Satan, tu le sers dans la serre. Tu es dans l'esclavage. Il prend avantage de toi. Parce que tu es là. Viens, je t'attends. Je t'attends. Seigneur, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ma soeur? Félicitations. Ma soeur, mon frère. Alléluia. Vous allez répéter cette prière avec moi. Et faites cette prière, votre propre prière. Et le Seigneur va changer vos vies. Va vous donner un nouveau cœur et un nouveau esprit. Et vous serez né de nouveau parce que vous avez un nouveau esprit. Et ce matin, tout le monde répétait avant, dit: Seigneur, je te remercie pour m'avoir choisi ce matin, pour m'avoir appelé. Ce matin, je reconnais que Jésus est mon sauveur et je l'invite dans ma vie. Seigneur, je veux te servir le reste de ma vie. Seigneur, pardonne-moi et lave-moi. Seigneur, pardonne toutes mes iniquités. Pardonne-moi, pardonne toutes mes iniquités. Pardonne toutes mes iniquités. Pardonne toutes mes iniquités. Seigneur, merci. Parce que tu es fidèle. Tu m'as pardonné. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Je vais te servir le reste de ma vie. Seigneur, merci. Amen.